Bonjour amis Capricorne, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage de l'oracle de Béline pour le mois de septembre 2023 et donc la rentrée. Alors comme c'est souvent un nouveau cycle pour beaucoup d'entre nous, cette rentrée, donc on va revenir à un tirage plus général pour voir de quel domaine veut vous parler l'oracle de Béline. Donc je m'adresse aux Capricornes et aux ascendants Capricornes. On y va. 3 septembre 2023, Capricorne. Alors, bon, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de peur peut-être aussi. Vous avez en tout cas un manque de conviction par rapport à votre succès possible. Alors apparemment, vous partez sur une drôle de note en cette rentrée 2023, donc il faut retrouver confiance en vous, je dirais. Mais c'est la coupe qui colore le jeu, donc on va voir quel est le tirage en lui-même. Oh, bonne nouvelle, vous voyez. Donc en effet, peut-être que donc dernièrement, vous avez besoin de vous isoler, vous avez peut-être eu beaucoup de réflexions intérieures, parce que vous avez vraiment besoin d'un changement. Vous avez beaucoup douté de vous-même, vous avez besoin d'un changement. Par rapport à la coupe, c'était plus professionnel, socio-professionnel. Ici, ce qui rayonne sur le jeu, c'est une grande satisfaction qui est en train de vous arriver et qui va vous apaiser complètement, et donc une excellente nouvelle. Donc moi je pense que vous voyez, elle est assez rapide cette nouvelle, et c'est normalement une bonne nouvelle qui va vous apporter un nouveau cycle. Bon, ça peut être professionnel, ça peut être aussi amoureux. Dans ce cas-là, il y a une nouvelle rencontre qui vous emballe. Moi, dans mon ressenti, d'après la coupe, j'avais l'impression que ça parlait plus de travail, de choses pratiques. Mais ici, c'est vrai que selon le tirage, cela peut également vous embarquer dans une nouvelle histoire d'amour. Donc, de toute façon, très bonne nouvelle, rapide, qui vous arrive par rapport à vos craintes, à vos doutes, à une certaine solitude ressentie dernièrement, eh bien, tout s'estompe. Donc, profitez pleinement de ce nouveau cycle qui va vous passionner. Bon mois de septembre 2023.